Le plus important... Dans sa symbolique. Dans sa symbolique, sûrement. Sûrement, il a été un palais historique, en plein cœur de Paris, oser commettre le sacrilège d'y apporter une inflexion. Bon, dans un climat politique très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Dans les années 80-82, les affrontements entre la droite et la gauche étaient d'une grande force, d'une grande véhémence. Et en particulier, tout ce que nous concevions avec François Mitterrand pour la culture était source de polémiques, de débats. Ouais. Et je ne m'en suis jamais plaint. Je dois dire que personnellement, je préfère une époque où on s'affronte à propos de l'art et de la culture qu'une époque où il y a une sorte de consensus mou et, ou d'indifférence. Post-politique quasiment, on est presque dans une situation post-politique. À l'époque, vous étiez ministre, dans une société politique. C'était qui absolument, débattait. Absolument, c'était. Bon, là, non, c'était encore les deux camps de l'Est et de l'Ouest, le communisme et le capitalisme. Puis la gauche venait d'arriver au pouvoir. C'était un événement. C'était sans précédent. C'était inédit. Nos personnalités respectives aux uns et aux autres. Nous n'avions pas notre langue dans notre poche, si j'ose dire. Et surtout, nous étions décidés avec François Mitterrand à foncer, aller de l'avant, construire, bâtir, transformer de Paris à chaque village de France. Mmh. Et nous étions habités par une rage d'agir, de transformer. Le Louvre est un des points d'application, si j'ose dire, de cette volonté de transformation. Alors, on le voit justement parce qu'on est arrivé assez vite dans les années dites de rigueur, parce qu'il fallait déjà équilibrer les finances. Et malgré tout, il y avait ce qu'on appelle la volonté politique. C'est-à-dire qu'il y a un contexte économique. Puis à côté, il y a une volonté politique. Et en dépit du contexte économique, parce qu'on a cette volonté, on dit, on fait. C'était ça le Louvre, non ? Exactement. D'ailleurs, dans les toutes premières mesures de la présidence de François Mitterrand, nous avons pris toute une série d'initiatives, la loi sur le prix unique du livre, le lancement du Grand Louvre en juillet 81, très tôt par conséquent, mais aussi le doublement du budget de la culture, imaginez-vous, multiplié par deux le budget d'un ministère. Et l'engagement avait été pris par François Mitterrand vis-à-vis de moi-même et de notre équipe. Nous tiendrons bon, nous, chaque année, nous augmenterons ce budget jusqu'à atteindre le 1% du budget de l'État. Et l'engagement a été tenu. Et en particulier en 82-83, lorsque la rigueur s'est appliquée à l'ensemble du budget de l'État, il y a eu deux exceptions. Le budget de la recherche, le budget de la culture, nos budgets ont augmenté. Alors, quelles ont été les résistances les plus fortes ? D'où sont-elles venues ? Car il y a eu des résistances, il y a eu polémique, puisque nous l'avons raconté, c'est bien, quelque part, il y a eu, au-delà du débat, de la polémique, les résistances les plus fortes. On venait de différents horizons, disons qu'il y avait, pour une part, une résistance politique. Tout ce qui venait du gouvernement de l'époque était marqué du sceau du mal, ou de la suspicion. Donc, il y avait des réactions, j'allais dire, politiques à fleur de peau permanente. Des journaux très, très engagés, en particulier, il a changé aujourd'hui le Figaro Magazine et Louis Poels, notamment, qui était un homme brillantissime, mais un combattant. Chaque semaine, nous prenait à partie avec vigueur et violence. Et puis, des cercles conservateurs et honorables. L'idée même que l'on puisse changer quoi que ce soit au Louvre, les heurtait, les blessait, les touchait. Les mêmes personnages qui se contrefichaient, mais totalement contrefichaient, de l'état d'abandon du Louvre. On peut pas se souvenir, mais le Louvre, avant notre arrivée, si j'ose dire, c'était un bâtiment gris, noir, jamais ou rarement restauré. L'accès se faisait, j'allais dire, en catimini par le côté. On ne savait pas très bien où était l'entrée véritable du Louvre. Et le nombre de visiteurs était fort limité. Bref, c'était une institution certes prestigieuse, mais totalement endormie, encroûtée, esclérosée. Et les mêmes qui nous attaquent, non pas seulement à cause de la pyramide, mais parce que nous avions la volonté d'ouvrir les portes, je répète, se contrefichaient du sort de cette belle maison pendant des années. Alors, néanmoins, parmi les résistances, et puis y avoir, certaines peuvent être compréhensibles, y compris peut-être même surtout avec du recul, notamment le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres, qu'il y ait eu ce qu'on appelle le fait du prince, quelque part. Voilà, François Mitterrand le voulait, cet architecte Peille a été choisi, pas de façon complètement démocratique, ça a été une critique à l'époque, et ça l'est encore avec le recul. C'est une critique, en effet. Oui, mais cette critique, il faut, elle est d'autant moins recevable que, à ce moment-là, nous avons, par comparaison avec nos prédécesseurs, pour tous les autres chantiers, ouvert des concours. Ce n'était pas le cas avant. Avant, justement, c'était le fait du prince, un peu anonyme. C'était les mêmes architectes, les prix de Rome, les personnages très installés qui étaient choisis, et pour les hôpitaux, et pour les musées, pour ceci, pour cela. Et nous avons décidé, dès mon entrée en fonction, d'ouvrir des consultations, des concours. Là, nous ouvrons la Philharmonique à la Villette. Jean Nouvel en est l'auteur. En 81, j'ai proposé à François Mitterrand d'organiser une consultation pour choisir l'architecte du futur institut du monde arabe. Mmh. Et c'est Jean Nouvel qui a surgi. Il était inconnu à l'époque. Et ainsi de suite. Pour la Défense, pour le ministère des Finances, pour l'Opéra, nous avons organisé des concours nationaux ou internationaux. Dans le cas du Louvre, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que Mitterrand et moi-même, nous avions une très grande admiration pour Peille, bien avant 81. Nous avions eu la chance de découvrir son travail aux États-Unis, notamment à Washington, et nous nous sommes dit, dans les premiers temps du nouveau gouvernement, il faut absolument qu'on trouve une idée pour faire appel à Peille, imaginer une sorte de commande directe. Et une ruse a été conçue, je n'ai plus en mémoire exactement juridiquement comment nous avons habillé, si j'ose dire, l'appel à Peille. Il apparaissait dans un premier temps comme une sorte de conseiller de l'architecte des monuments historiques, en quelque sorte. Alors, Jack Lang, ce qui est important quand on est constructeur, responsable politique, constructeur comme l'a été François Mitterrand, et vous-même dans le sillage de François Mitterrand, c'est de laisser une trace, évidemment, on construit pour l'avenir. Et la pyramide n'en finit pas d'étonner, de chahuter les critères esthétiques, aujourd'hui encore, après 27 ans d'existence. Et la pyramide absorbe presque 10 millions, faut le rappeler, c'est important, 10 millions de visiteurs par an. Le musée a décidé d'améliorer l'aménagement sous la pyramide, c'est en constante évolution, et sous l'édifice de verre et autour, là où s'est promené le micro notre reporter Gaylor Van Vimersch, et le regard des visiteurs d'un jour. On va les écouter, ces visiteurs, et puis on en parle après. Musée du Louvre, on arrive là par la cour carrée. Il y a une grande grille en fer sous ses portiques. Et derrière se dévoile la grande pyramide de verre, la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre est belle. Bonjour. Oui. Peter, Australia. Je suis Peter, je suis Australien. On est en face de la pyramide du Louvre. Quelle est votre première impression? New and old. Nouveau sort et of ancien. Very new, very old. Une sorte de très moderne et très vieux. It's almost like a curiosity. Like, c'est presque une curiosité. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt? It's like it's a signal. C'est comme si c'était un signal. Tiens, il y a quelque chose d'intéressant ici. I'm a fan of the old, I must admit. Je dois dire que je suis un fan de l'ancien, je dois l'admettre, mais j'aime aussi l'idée qu'une construction d'époque, ça ne doit pas être statique. Vous l'aimez, cette pyramide? I think so. Oui, I mean, je pense bien. By itself, no, but as part of the overall. Seul, non, mais en tant que partie de cet ensemble, je pense qu'elle convient d'une façon assez étrange. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Qu'est-ce qu'on voit? C'est un accès de lumière. Disons qu'on a la lumière parisienne dans le Louvre. Cependant, bon, moi je suis pas un fan de cette pyramide. Pourquoi? Visuellement. Je trouve que ça colle pas avec... avec le Louvre, mais je sais que je suis minoritaire. Je sais pas, vous trouvez pas que ça jure un petit peu avec ce qu'il y a autour? On pourrait dire que c'est subjectif, mais je pense que l'architecture est un art et que une des choses très importantes en art, c'est l'harmonie. Et je trouve ça difficile d'affirmer que cette pyramide est en harmonie avec le reste du Louvre. Je vais pas non plus dire qu'il faut raser cette pyramide. C'est trop tard maintenant, elle est là et il faut s'y faire. Et moi, je m'y fais. Hein. Et oui, c'est une œuvre à part entière, même si, pour moi, elle n'égale pas l'œuvre dans laquelle elle se situe. Voilà, à l'intérieur de la pyramide, déjà un peu plus chaud, sous cette grande structure.

Et ceci vaut pour l'opéra, pour la Cité de la musique, pour la Défense, pour la construction du ministère des Finances, pour toute une série de projets à travers la France. Et les projets qui n'ont pas été réellement installés avant 86 ne verront pas le jour, parce que le nouveau gouvernement, s'il se sent droit, pensera à autre chose. Alors parmi les résistances, il y en a une qui est anecdotique, mais pourtant on s'en souvient tous, c'est celle de Édouard Balladur, qui ne voulait pas que le ministère des Finances déménage, hein, qu'il reste au Louvre, comment ? Quel souvenir ça vous laisse ? Plus exactement, bon, j'aime beaucoup Édouard Balladur, c'est un personnage extrêmement intelligent, c'est un homme cultivé, qui a un sens de l'État, et malgré nos divergences politiques, j'ai pour lui beaucoup d'estime. Et en vérité, il s'est réinstallé. Donc il a fallu, pour que son bureau de ministre soit organisé, que l'on reconstruise en partie. Bon, ça n'a pas été sans mal et sans difficulté. En même temps, comme son bureau était là, les travaux devaient respecter un calendrier dans la journée et la nuit qui assure un minimum de tranquillité au ministre. J'ai encore en mémoire une démarche que j'ai faite auprès de lui, rue de Rivoli, là, dans son bureau, pour lui dire... Monsieur le ministre d'État, il était ministre d'État. Et vous voulez qu'on l'appelle monsieur le ministre d'État, le confirme, en tant que reporter, je me souviens. Vous savez de quelle manière François Mitterrand et moi-même avons respecté les projets, les réalisations du président Pompidou. Je lui ai rappelé d'ailleurs que la première sortie dans Paris de François Mitterrand a été pour rendre visite au centre Pompidou, et que dès notre arrivée, nous avons augmenté les crédits d'acquisition du centre Pompidou, décidé de rénover, et je lui dis simplement, respectez les projets qui sont les nôtres, comme nous avons respecté les vôtres. Alors, dernière chose, Jack Lang, les antennes du Louvre à Abu Dhabi, à Lens, quel est votre regard sur cette évolution-là ? Je suis très heureux. Ce qui est passionnant dans l'aventure du Grand Louvre, alors on parle de la pyramide, mais c'est un aspect, c'est la transformation des salles, le changement de la muséographie, le développement de l'école du Louvre, c'est beaucoup d'autres choses qui ont été créées dans cette dynamique. Et je dois dire que l'idée, je crois que c'est Jean-Jacques Ayagon qui l'a eue, d'installer le Louvre hors Paris, dans une province de France, est une idée que j'aurais aimé avoir. Elle est magnifique, et comme je me suis trouvé moi-même élu du Nord-Pas-de-Calais à ce moment-là, j'ai soutenu à fond les manettes de ce projet, et le Louvre-Lens est la merveille que vous connaissez. Et le président de la région, M. Percheron, y a beaucoup contribué. Le Louvre à Abu Dhabi de même, il y a eu quelques controverses. Moi, j'ai exprimé un sentiment hostile à ceux qui étaient contre. C'est une chance fantastique que, en plein cœur du monde arabe, le Louvre, la culture française, soit à ce point présent. C'est fantastique. Et je crois que le Louvre est devenu maintenant une institution, je dirais, universelle. Universelle par son implantation, universelle par ses collections, il y a encore des progrès à faire, universelle par son esprit. Et ce qui est réjouissant, c'est quand quelque chose a été créé, une institution a été créée, ce qui est réjouissant, c'est sa métamorphose permanente, sa transformation, sa transfiguration permanente. Et le Louvre est un work in progress, si j'ose dire en français. Et bien, ce sera le mot de la fin, Jack Lang. Je vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la pyramide du Louvre. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.